t'exalterai, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent de ma chute, de mes pieds. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as rendu la vie, tu m'as rafraîchi. Chantez. Son saint nom, sa colère dure un instant, mais sa grâce toute une vie comme un don. Le soir arrive les pleurs, mais le matin vient la joie. Quand je me croyais inébranlable, tu m'as montré. Tu m'as tiré de la fosse, je te célèbre.